Ouais. Bad girl and bad boy. J'aimerais être. Un jour je prendrai l'avion pour écrire nos dates dans les nuages. Je dessinerai dans le sable, je l'écrirai sur une feuille. J'arriverai même sur un arbre, mais tu vois, il disparaîtra. Donc je laisserai dans mon cœur, je sais qu'il s'effacera pas. Ton prénom est si joli que le ciel en demande. Que la plage le savoure, que la nature te garde. Et que mon stylo est rempli d'amour. Mais c'est dans mon cœur que tu resteras toujours. Ouais. J'aimerais être un flocon de neige pour tomber sur toi. J'aimerais être un soleil pour m'occuper ta peau et veiller sur toi. J'aimerais être un art pour que tu me regardes et me faire belle pour toi. Un jour je prendrai le train pour te faire voyager, pour traverser les paysages. J'ai montré j'écrirai sur la vitre et ton nom sera mon titre. Tu seras mon héroïne de mes chapitres. Je te chanterai mes rimes. Ouais, mes rimes. Tu dois être si beau, si belle que le train n'avance pas. Depuis que t'es descendu, il ne redémarre pas. La buée de ton nom ne s'est pas effacée. Je crois vraiment que tu t'es remarqué. Ok. J'aimerais être une lame pour pas couvrir ton visage et mourir sur tes lèvres. J'aimerais être mon fille pour te percer dans mes bras et que tu fasses de jolis rêves. J'aimerais être une fille pour entendre ta si jolie voix quand tu récites tes prières. Tu dois attirer les gens pour qu'ils viennent tous vers toi. Mais méfie-toi, toutes ces personnes, tes amis, tu les comptes sur 10 doigts. Dans ce monde, le nez blanc, beurre, renois, tous dans la même misère, on ne se respecte même pas, tu vois. J'aimerais être un coffre-fort pour te garder, car t'es ma plus belle pièce d'or. J'aimerais être Dieu pour te garder longtemps et choisir le jour de ta mort. J'aimerais être ton sang pour connaître et couler dans ton corps. Dira que j'ai trouvé une amie fidèle, tu seras face à moi. Et j'aurai plus qu'à chanter et toi tu seras mélangé à mon public et à vous tous, vous pourrez être mon messie. Tous ensemble. J'aimerais mon public quand vous chanterez musique. Bad boy and bad girl. J'aimerais.